rêve. Alors écoute ça, ça va péter. J'ai fait un rêve, j'ai fait le rêve où je rencontrais l'amour et on discutait durant des jours. Mais on parlait de moi, je n'avais pas compris pourquoi. Après dire cela ressemblait le premier jour à l'interrogatoire. À toutes les questions je répondais car en l'amour j'avais envie de croire. T'arrive-t-il d'avoir chaud au cœur? Que faire? Comment faire? Tu as peur? Donne-moi le nom d'une personne, pourquoi elle? Pourquoi cette personne? Le deuxième jour nous parlions d'elle. Je ne lui trouvais aucun défaut, c'est elle que je trouve la plus belle. Je recherchais à être son héros. Il me laissa parler les jours suivants et moi c'était pas en mode de nom. Jusqu'où je pouvais aller pour elle. Alors j'ai compris que je voulais me sacrifier pour elle. L'amour prit la parole pour me faire comprendre que son hello j'ai fait durant des jours, que rares sont les personnes au cœur de tendre. J'ai fait un rêve, j'ai fait le rêve où je rencontrais l'amour et on discutait durant des jours, mais on parlait de moi, je n'avais pas compris pourquoi. À vrai dire, cela ressemblait le premier jour à l'interrogatoire. À toutes les questions, je répondais car à l'amour, j'avais envie de croire. D'avoir chaud au cœur, que faire, comment faire? Tu as peur, donne-moi le nom d'une personne. Pourquoi elle? Pourquoi cette personne? Le deuxième jour, nous parlions d'elle. Je n'y trouvais aucun défaut, c'est elle que je trouvais la plus belle. Je cherchais à être son héros. Il me laissa parler les jours suivants et on ne se pas en me donnant. Jusqu'où je pouvais aller pour elle. Alors j'ai compris que je voulais me sacrifier pour elle. L'amour j'ai pris la parole pour me faire comprendre que son éloge j'ai fait durant des jours.